Aujourd'hui, je désire vous parler de privilèges, des privilèges du disciple de Jésus-Christ. De tout temps, les hommes ont cherché les privilèges. À travers tous les siècles, hommes et femmes ont déployé ruses, malices, subterfuges pour obtenir des privilèges, pour être admis parmi les favorisés. Regardez notre société. Les entreprises où vous travaillez, les hôpitaux, les prisons, les écoles, partout des gens à la recherche, pour ne pas dire à la chasse, de faveurs et d'avantages. Ainsi souvent le privilège acquis l'est au préjudice des autres. Quelle différence avec les privilèges que le Seigneur accorde à ses disciples. Pas de favoritisme au détriment des autres, pas de discrimination. Êtes-vous devenu disciple de Jésus-Christ? Eh bien, vous êtes bénéficiaire des privilèges de ceux qui suivent Christ le Roi. Bien sûr, en vous identifiant à votre Seigneur, vous participerez aussi au mépris. Et peut-être, qui sait, votre expérience est-elle celle des chrétiens de Philippe, auxquels Paul a écrit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ » non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je ne fais pas ici une digression. Je désire seulement placer le sujet des privilèges dans sa juste lumière, pour qu'il ne subsiste aucune équivoque qui vienne provoquer plus tard des désillusions. Je commence par le privilège d'être bénéficiaire des richesses du Seigneur. L'apôtre Jean a décrit en ces termes le privilège d'être disciple. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Grâce sur grâce, c'est un flot ininterrompu, comme les vagues de la mer. Voilà ce que Dieu met à disposition des siens. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue qui avait fait cet aveu. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Abondance? Êtes-vous privé de cette abondance? Vous avez tout pleinement en Christ, lisons-nous sous la plume de l'apôtre Paul. Ne vivez pas comme le frère aîné de l'enfant prodigue, frustré, amer, mécontent. Il s'est mis en colère à cause de la musique qui célébrait le retour de son frère cadet, tandis que le plus jeune a retrouvé toute l'abondance de la maison paternelle. Le disciple n'est pas seulement privilégié par la richesse de la grâce de Dieu, il est aussi au bénéfice de sa protection. Jésus lui-même, dans sa prière au Père, parle du privilège de ses disciples d'avoir été gardés par lui, malgré leur faiblesse. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Oui, il les garde. Pierre en témoigne plus tard en écrivant « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui garde ceux qu'il a appelés. De plus, serait-ce juste taire le grand privilège des disciples d'expérimenter la bonté du Seigneur dans le domaine matériel? Jésus pose cette question 12. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Quel témoignage à la fidélité de Christ! Il est vrai que le croyant peut être éprouvé dans ce domaine pour un temps. Toutefois, celui qui nous a enseigné à demander le pain de chaque jour veut aussi nous le donner. Et dans le domaine familial? Lorsqu'au début de son ministère en Galilée, le Seigneur a fait de la maison de Pierre et d'André une sorte quartier général, la belle-mère de Pierre était malade. On a parlé d'elle à Jésus. Il s'est approché, l'a fait lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre l'a quittée. Puis, elle les a servis. Y a-t-il une situation familiale qui nécessite l'intervention de Dieu? Un conjoint, un enfant, un des parents, un problème de relation, un problème moral, psychique ou physique? Y a-t-il quelque chose qui coince? Quel privilège pour le disciple de pouvoir parler à son Seigneur de cette situation et d'attendre son intervention, qui ne sera peut-être pas toujours aussi subite que pour la belle-mère de Pierre. Et puisque je parle de Pierre, je voudrais vous montrer comment l'un des privilèges du disciple est aussi celui de pouvoir compter sur son maître, même dans un embarras causé par sa propre faute. Lors de l'arrestation du Seigneur Jésus, Pierre, d'un geste hardi de défense, a tiré l'épée et a réussi à couper une oreille. Pas n'importe laquelle, mais celle de Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. Cela aurait pu susciter bien des ennuis à Pierre, d'autant plus que, comme la suite du récit le prouve, il n'était pas prêt à ce moment-là à faire face à ses ennemis. Une oreille coupée, par un geste précipité? Pauvre Pierre! Merveilleux maître! Immédiatement le Seigneur fait la greffe de l'oreille et le disciple est tiré d'affaire. Nous ne coupons probablement pas d'oreille, mais avec l'épée de notre langue, qu'avons-nous déjà coupé? Que de paroles et de gestes irréfléchis! Et nous créons des situations embarrassantes, nous sommes fautifs, sans aucun doute, sans pouvoir corriger le mal que nous avons causé. Mais disons-le au Seigneur, il interviendra et réparera les dégâts. Ajoutons cependant que cela ne nous exempte pas d'actes réparateurs là où c'est possible. Les voyez-vous, ces privilèges, attachés au service du disciple? Tout certainement nous voudrions être au bénéfice de ces privilèges, mais sommes-nous prêts à en remplir les conditions? Je m'explique, on ne peut pas être disciple de Christ et serviteur d'autres maîtres. C'est l'enseignement élémentaire de Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Simon-Pierre s'est sincèrement attaché au Seigneur, et il a quitté les filets, les barques et certainement d'autres choses encore. Il a fait remarquer à Jésus en lui disant non sans une certaine fierté. « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Le Seigneur ne le reprend pas. Il ne met pas en doute le fait que ses disciples aient tout quitté pour lui. Mais le Seigneur montre qu'il ne reste débiteur de personne puisqu'il rendra au centuple. Quelle récompense ! Chers auditeurs, en devenant disciples, vous avez peut-être dû quitter des membres de vos familles. Ou encore, ce sont eux qui vous ont quitté à cause de votre foi. Vous avez perdu des terres ou une maison. Vous recevrez au centuple. En d'autres termes, le Seigneur vous donnera beaucoup plus, peut-être sous d'autres formes. N'est-ce pas un privilège ? Ne pensez pas que notre émission d'aujourd'hui puisse mentionner tous les privilèges du disciple. Je ne vous en donne que quelques échantillons, car une étude approfondie de tout le Nouveau Testament nous en ferait découvrir une liste bien plus longue. Il y a cependant encore un point que je dois aborder, c'est celui de la paix du Seigneur. Il a dit à ses disciples : « Je vous ai dit ces choses « afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix ? Il y a guerre partout sur notre globe. Guérillas, oppression, totalitarisme, armement, armes nucléaires, missiles balistiques intercontinentaux, plastiquage, séquestration, otages, bombes, assassinats, chantage, et ainsi de suite. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur a dit à Dieu son Père, en parlant des disciples, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, et vous aurez des tribulations dans le monde. » Peut-être êtes-vous particulièrement accablé de tribulations aujourd'hui. Peut-être vivez-vous dans des circonstances particulièrement difficile, ou encore l'endroit où vous vivez est-il spécialement menacé? Alors, où est le privilège? Il est là, au milieu des tribulations et des perturbations. Le Seigneur a vaincu le monde et il veut mettre en vous sa paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Disciple, j'aime à croire que vous l'êtes. Ce qui les caractérise, c'est que même au sein des tribulations, ils sont conscients d'être des privilégiés. Un garçon indien tout au nord du Brésil a prié un matin dans sa propre langue, à peu près en ces termes. « Bonjour Dieu, tu as fait venir le jour. Nous sommes ici pour parler avec toi. Tu es un grand chef. Oui, il est le grand chef. » Non seulement il nous conduit dans cette vie terrestre, mais il est allé nous préparer une place dans le ciel. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le privilège des privilèges, l'espérance vivante de tout chrétien, de tout disciple, être pour toujours avec le Seigneur. Bonheur ineffable! Quand dans ta gloire aux yeux des rachetés tu paraîtras, Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais à ton nom. Puissions-nous prier ces paroles avec conviction.